tiempo. J'étais sur notre serveur, le mec il jouait un morceau de guitare, toujours le même morceau mais en boucle. Je me suis demandé si c'est pas une boucle qui tournait. Alors des fois il y avait des erreurs, j'ai dit non, c'était pas une boucle. Mais le mec pendant un quart d'heure, la même boucle, avec une guitare acoustique, je me demande s'il était pas en train de... Sometimes I feel. Sometimes